Grisaille du petit matin. Les pluies de leur côté aborderont le Cotentin à l'entame de la matinée avant de ne progresser que très lentement vers l'est. La première partie de ce mardi se déroule donc le plus souvent sous les nuages, mais encore au sec. Les températures varient ce matin de 3 à 9 degrés. Par la suite, la pluie continuera sa lente progression pour atteindre Rouen et Évreux en soirée, puis s'estomper dans la nuit. Les températures maximales conserveront à peu de choses près les mêmes valeurs, 7 à 12 degrés en moyenne. Mercredi et jeudi seront deux journées similaires, très variables, sous un ciel changeant, où se mêleront éclaircies, nuages et averses, avec des températures comprises entre 5 et 12 degrés. Depuis le début de cette année, les routes normandes sont certes un peu moins meurtrières, mais elles restent très accidentogènes. Selon les tout derniers chiffres divulgués par la préfecture de région, la tendance jusqu'au 30 novembre dernier est plutôt à la baisse du nombre de tués, 42 contre 50 sur la même période en 2017. Cependant, les autorités déplorent un nombre d'accidents plus élevé, 675 contre 638. Ces accidents ont par ailleurs provoqué 830 blessés contre 802. Suite à ces chiffres, la préfecture de région Normandie lance un appel à la plus grande prudence aux automobilistes à l'approche des congés de fin d'année. À cette période, les conditions climatiques peuvent souvent surprendre les usagers de la route. Verglas, neige ou encore brouillard sont régulièrement à l'origine de nombreux accidents, dus notamment aux mauvaises conditions de visibilité ou d'adhérence des roues sur la route. Ce week-end encore, suite à un épisode aigu de pluie verglaçante dans l'Eure et en Seine-Maritime, des accidents en cascade ont occasionné 2 blessés graves et 101 blessés légers. Il est donc indispensable d'adapter sa vitesse aux conditions météorologiques hivernales et respecter impérativement les distances de sécurité. Une vigilance particulière est également attendue de la part des conducteurs de deux roues motorisées à l'approche des giratoires concernés ou ayant été concernés par les blocages des gilets jaunes. En effet, des objets ou des substances pouvant conduire à une chute pourraient se trouver sur la chaussée. Par ailleurs, un déploiement important et visible des forces de sécurité et de secours sur le terrain, notamment le soir du 31 décembre, sera organisé pour veiller à la sécurité des usagers de la route. Ce lundi, l'Assemblée du Conseil Régional de Normandie a voté son budget 2019. Le montant de l'enveloppe est conséquent, 2 milliards d'euros. Parmi les dépenses, pas moins de 797 millions d'euros seront consacrés au transport ferroviaire. Pour trouver cet argent, il faudra réduire les services ou augmenter les impôts. C'est ce que prévoit Nicolas Mayer-Rossignol, conseiller régional PS. C'est ce qu'on constate déjà en Normandie. La dette publique régionale va atteindre et peut-être même dépasser le milliard d'euros à la fin de la mandature. C'est ce qu'annonce pour sa part Nicolas Bay, conseiller régional Rassemblement National. Hervé Morin, président du conseil régional, rassure, la Normandie restera en 2019 la région la mieux gérée de France. Il serait absurde que la Normandie soit handicapée très largement sur son attractivité, son rayonnement, sans que nous ne réagissions. La région poursuit ainsi son objectif Train Normand 2020, qui prévoit entre autres l'arrivée de nouveaux trains et la réfection de certaines voies. Ce lundi, reprise à Évreux du procès de Denis Manechet, poursuivi pour l'assassinat en octobre 2014 de sa fille et le meurtre de l'employeur de cette dernière, garagiste à Gisors. Le procès a débuté le 3 décembre dernier. La salle de la cour d'assises du palais de justice a été spécifiquement aménagée pour accueillir l'accusé, aujourd'hui âgé de 56 ans. Denis Manechet est paralysé partiellement et a perdu l'usage de la parole depuis sa tentative de suicide en octobre 2014. Les plaidoiries des 4 avocats des parties civiles ont eu lieu ce lundi. Les réquisitions de l'avocat général et la plaidoirie de la défense sont prévues aujourd'hui et le verdict est attendu demain. Les gendarmes de la compagnie de Bernay sont intervenus en milieu de matinée ce lundi pour faire évacuer le carrefour de Malbrook à Carcy sur l'axe Évreux-Lisieux et de Sainte-Colombe la Commanderie où une vingtaine de gilets jaunes étaient présents. Ces opérations se sont déroulées sans incident, c'est ce qu'a indiqué la gendarmerie. Quelques gilets jaunes sont revenus dans l'après-midi sans causer de gêne pour la circulation. À Brionne, une quarantaine de manifestants occupaient hier soir le rond-point à l'intersection des RD 323 et 313D. Aucune entrave à la circulation n'était constatée. Il en est de même au carrefour de la Malouve à Bernay. J'ai décidé de repousser l'intervention pour cause de conflit social. C'est ce qu'a indiqué un correspondant de l'AFP, Pascal Brugière, commercial de la société Portalpe Normandie, chargé des travaux d'aménagement intérieur. Ils sont programmés pour le début 2019, c'est ce qu'il a également déclaré. Les travaux qui devaient démarrer le 10 décembre n'ont pas eu lieu grâce à notre mobilisation, c'est ce qu'a déclaré de son côté Thomas Drouet, secrétaire départemental adjoint FO Santé. Selon lui, 25 opposants étaient encore présents ce lundi pour empêcher le lancement du chantier à la maternité de Bernay. Très belle journée sur Cristal. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai.

you come back to me, yeah. Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone. That's why. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo de ce mardi 18 décembre. Ce mardi débute donc sous un ciel plus gris que bleu. Nuages et grisailles prédominent dès la fin de nuit pour une matinée sans réel éclaircie ni ensoleillement, du moins vers l'ouest de la région, car l'est bénéficie d'un sursis temporaire sous un voile de nuages qui laisse filtrer quelques rayons de soleil pour une certaine luminosité. Après les brumes et les grisailles du petit matin, les pluies de leur côté abordent le Cotentin à l'entame de la matinée avant de ne progresser que très lentement vers l'est. La première partie de ce mardi se déroule donc le plus souvent sous les nuages, mais encore au sec, et les températures qui sont comprises ce matin entre 3 et 9 degrés.

hurts the most? Can you wear it on your sleeve? I like to make believe with you, da da da da da da do, that we always speak the truth. I like how we pretend the same, da da da da da da do, play this silly little game. Hey, I guess it pays to say, 'cause there's a lot that you don't know. No, no, it's written on my face. It's gonna be who does what. Everybody's got a secret. I'll show mine if you show yours. Oh. Hey, hey.

to you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. On est mardi le 18 décembre, bienvenue sur Cristal, j'espère que vous allez bien et que vous êtes déjà d'attaque pour cette journée. Courage, c'est la dernière ligne droite avant les vacances et le réveillon de Noël. Dépêchez-vous de faire vos cadeaux, il y a déjà des ruptures de stock dans certains magasins, surtout dans l'électroménager. Il vous reste encore un week-end pour bien terminer tous vos achats. Voilà, mais bon, avant de penser à Noël, il y a encore quelques journées de travail. D'ailleurs, vous bossez peut-être aussi le soir du réveillon, bon courage. Et bon courage aussi ce matin, vous êtes nombreux à travailler de nuit ou à embaucher très tôt. Je pense aux éboueurs, aux chauffeurs de bus, aux boulangers ou aux gardiens aussi. J'en oublie, mais merci d'être là sur Cristal. On se réveille ensemble avec votre actu en Normandie et vos hits. Louane, Clean Bandit arrive dans un instant. Il est 5h30, très bon réveil tout le monde. Les infos, c'est avec François Poulet, bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce mardi 18 décembre. Ce mardi débute sous un ciel plus gris que bleu. Nuages et grisailles prédominent dès la fin de nuit pour une matinée sans réelle éclaircie ni ensoleillement, du moins vers l'ouest de la région, car l'est bénéficie d'un sursis temporaire sous un voile de nuages qui laisse filtrer quelques rayons de soleil pour une certaine luminosité après les brumes et grisailles du petit matin. Les pluies de leur côté aborderont le Cotentin à l'entame de la matinée avant de ne progresser que très lentement vers l'est. La première partie de ce

up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align, will heaven step in, will it save us from our sin, will it, cause this house of mine, stands strong, that's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until the beast out of world without the peace. Face up, a bit of the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear, I'm gonna make it. Bientôt 6h, bienvenue tout le monde et bon réveil avec Crystal. J'espère que ça va chez vous et que la nuit a été bonne. Je pense aussi à tous ceux qui sont levés depuis plusieurs heures déjà. Bon courage à vous pour ce mardi. C'est bientôt les vacances de Noël. Peut-être que vous avez pris des congés pour profiter de la famille ou du réveillon. Ça arrive vite, mais encore un petit peu de patience. Sinon, sur Crystal, la suite de vos hits avec Kylie Minogue pour vous motiver ce matin. L'actu et la météo arrivent aussi, mais d'abord, je laisse la place à Alexandra, bien sûr, pour l'horoscope du jour. Salut Alex. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 18 décembre, l'horoscope est celui des béliers pour pour démarrer, vous avez du travail, mais il en faudra plus pour vous décourager avec les fêtes qui approchent. Taureau, J-6 avant le réveillon de Noël, vous aborderez cette journée avec confiance et optimisme. Gémeaux, votre partenaire vous sera entièrement dévoué et vous soutiendra. Cancer, vous serez décidé aujourd'hui à prendre du bon temps et à sortir un peu de votre cocon. Lion, vous vous réjouirez de la présence d'amis bienveillants et pleins de sensibilité. Ils vous aident à ne pas perdre la tête. Vierge, vous tiendrez une forme excellente et retrouverez de l'appétit. La dinde au marron vous fait de plus en plus envie. Balance, le sapin change de place, des invités s'ajoutent à la fête. Bref, tous vos plans sont bousculés et chamboulés. Les scorpions, à une semaine de Noël, il sera impossible de vous faire perdre votre optimisme et votre bonne humeur. Sagittaire, encore aujourd'hui, vous n'imaginez pas la vie sans aventure folle, sans complicité intense. Capricorne, vous n'avez pas l'impression d'être compris. Soyez moins dur avec vous-même. Verseau, on compte sur vous pour régler le moindre petit problème. Vous serez un vrai pilier. Les poissons, les couples passeront des moments joyeux, alors que les célibataires ne se verront quasiment rien refuser. Excellente journée à tous. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.